La première phrase dite par Valérie à son mari va d'ailleurs expliquer le retard qu'avait éprouvé le dîner, dû probablement au dévouement intéressé de la cuisinière. « Samanon ne veut prendre tes lettres de change qu'à 50% et demande en garantie une délégation sur tes appointements. » La misère, secrète encore chez le directeur de la guerre et qui avait pour paravent un traitement de 24 000 francs, sans compter les gratifications, était donc arrivée à son dernier période chez l'employé. « Tu as fait mon directeur, » dit le mari en regardant sa femme. « Je le crois, » répondit-elle sans s'épouvanter de ce mot pris à l'argot des coulisses. « Qu'allons-nous devenir ? » reprit Marneffe. « Le propriétaire nous saisira demain. Et ton père, qui s'avise de mourir sans faire de testament, ma parole d'honneur, ces gens de l'Empire se croient tous immortels comme leur empereur. « Pauvre père, » dit-elle, « il n'a eu que moi d'enfant, il m'aimait bien. La comtesse aura brûlé le testament. Comment m'aurait-il oublié, lui qui nous donnait de temps en temps des 3 ou 4 billets de 1 000 francs à la fois ? Nous devons 4 termes, 1 500 francs. Notre mobilier les vaut-il ? That is the question, » a dit Shakespeare. « Tiens, adieu, mon chat !» dit Valérie, qui n'avait pris que quelques bouchées de veau, d'où la domestique avait extrait le jus pour un brave soldat revenu d'Alger. « Au grand mot, les grands remèdes !»« Valérie, où vas-tu » s'écria Marneffe, en coupant à sa femme le chemin de la porte. « Je vais voir notre propriétaire !» répondit-elle en arrangeant ses anglaises sous son joli chapeau. « Toi, tu devrais tâcher de te bien mettre avec cette vieille fille !» si toutefois elle est cousine du directeur.